La coupe est pleine, je crois qu'on veut vivre dans notre métier, point. Aspalditik errepikatzen ari dira laborariak muturera iritsiak direla haien mozkinetarik ezin biziz, karguen bikoiztea, kabalen eritasunen biderkatzea edota idortea, gaur egon frantses estatuan alarma piztu nahi izan dute ekintza horren bitartez, Bruno Irigaray Arrokiagako laboraria da eta FDSEako. Je connais bien la filière Auvergne. Les chiffres de l'Observatoire économique ici, la rémunération c'est 0,4 SMIC. Qui sait qui aujourd'hui, avec le temps qu'on passe, voudrait gagner 0,4 SMIC? Je pense personne. Simon Jori, Maulen, laboraria da ere, ardi eta beiekin. Il avait été un stagit, ma da 6 euro. Nous raïda egin lanin horrentako. Guka egin tout seta, huk merdizu lana, fin, la mancha baitu kene horren egiteko, eta huai gaztik. Agai duz, estu sa abon eta atsonik, eta agai duz aideragi bel. Déjà, ministre. Tratu paketa bat izugu, hori deja hoi gutigo amini bat. Geo normak haitut zua handitzen. Guk agia xarazten izugu beste gantitik zizugu behar normaik eta guk behar zizugu norma respektatu. Hori zua eza kargiko handitzen nahi eta geo haski bat izugu. Denbora berean, Europako PAK diru laguntzak peti berandu direlarik. On a toutes les trésors qui sont en rouge à cause voilà, des aides de PAK qui n'arrivent pas, qui nous sont dues et qui n'arrivent pas. Qui sait qui voudra aller au boulot tous les jours et qui sera peut-être payé dans 6 mois. Voilà, on demande une reconnaissance. Laborariek gaua pasatu onduan 63 autopistan ekintza segituko dutela iragarri dute, txandakatuz beren etxaldeko lanak egin ahal izateko eta hemendik Parisko laborantza salonera arte beste ekintzak aurreikusiak dituzte.